Merci. Wow. Peu de... Ouais, c'est en live, pardon. C'est pas grave. Voilà. Bonjour et bienvenue en Tuto Sonic, les tutoriels de musique. Donc voilà, je me présente, je m'appelle Jérémy Chevalier. Alors aujourd'hui, je me suis dit, bon, ok, de quoi je vais parler. Et puis ce soir, j'ai vu qu'il passait une pièce de Yanis Xenakis, d'une soirée double concert avec, je crois, aussi Olga Kouchakova. Je me dis, ah ouais, génial, Yanis Xenakis, je vais faire un espèce de tuto sur la synthèse granulaire. Mais je me dis, je vais plutôt essayer d'expliquer ce que c'est que la synthèse granulaire. Voilà, donc je vais essayer de faire une sorte de vulgarisation de la synthèse granulaire. Alors, la synthèse granulaire, pour la première fois, elle a été évoquée de manière théorique en 1925 par Norbert Wiener. Et c'est lui qui a eu le premier l'idée d'appliquer à la musique la notion de grain d'énergie qu'on retrouve dans la physique quantique. Mais c'est surtout le prix Nobel de physique et inventeur de l'hologramme, Denis Gabor, qui l'a théorisé en 1947. Alors, Yanis est le compositeur-chercheur Barry... principaux ambassadeurs artistiques de ce type de synthèse. Alors, pour revenir à Gabor, il est parti de la constatation que la théorie de Fourier, si elle est parfaite pour déterminer les composantes harmoniques d'un signal sonore, elle n'est par contre pas capable de déterminer et de localiser dans de manière temporelle. Signal évoluant dans le temps. On peut dire par exemple qu'elle serait capable de différencier un accord d'un certain nombre de notes et l'arpège de celui-ci. Et les mêmes, enfin, l'arpège, c'est-à-dire les mêmes notes jouées consécutivement. Alors, cela est dû entre autres au fait que la théorie de Fourier. Présente un avantage énorme par rapport au... Si on prend la sinusoïde soumise à une enveloppe de cette forme d'onde, peut-être une forme simple, ou bien, par exemple, un signal issu d'autres types de synthèse, par exemple la modulation de fréquence, synthèse FM. Information de fréquence. Il y a des questions. On a tout compris. Oui, merci beaucoup, Jérémy. Bah merci, c'était Tuto Sonic et à demain. Tuto Sonic. Archi Radio, la radio du festival Archipel, en direct de 10h à midi sur archipel.org. Bon bah merci beaucoup Jérémy pour ce tuto qui fait que maintenant on a vraiment tout compris à la synthèse granulaire.